Love Me Do, les Beatles à l'honneur cet après-midi dans Cœur de l'Histoire avec vous Franck Ferrand et votre invité Claude Lemel, auteur de nombreuses chansons, président d'honneur de la SACEM, auteur de L'Art d'écrire une chanson aux éditions Erol. L'art d'écrire une chanson, il le possédait les Beatles. Alors ce qu'il faut que je dise, Claude Lemel, avant que nous en venions à notre conversation, c'est que ces Beatles vont repartir en Allemagne, pour l'Allemagne bien entendu, en 1961. Ils y retourneront d'ailleurs ensuite, ils feront leur fameuse grande tournée en 1966. Enfin bon, c'est très important cette influence d'Hambourg sur eux, notamment sur leur tenue. Cette mode que vous savez, les cheveux longs aplatis avec la mèche sur le front, c'était la mode de coiffure des étudiants en beaux-arts de l'époque à Hambourg, tout simplement. Hein. Et ils vont, c'est là qu'ils ont trouvé ça. Et puis j'avais dit qu'ils chantaient au début en blouson de cuir et jeans, sauf que dans les caves d'Hambourg où ils vont se produire à partir de 1961, la tenue obligatoire est le costume. Et donc ça va être là aussi pour ça qu'ils ont ce costume. Et puis l'ambiance, il faut pas oublier qu'ils ont un rapport privilégié avec les Allemands. C'est Dicky Tarrach, hein, du groupe allemand les Rattles, qui dit: les Beatles sont les premiers que j'ai vu parler avec le public. Les autres se contentaient de remercier et d'annoncer la chanson suivante. Eux plaisantaient, étaient très intelligents, ils avaient des petites amies allemandes, ils apprenaient notre langue, ils parlaient un mélange d'anglais et d'allemand, ils riaient beaucoup et ça nous a donné envie de nous adresser au public, nous aussi. Un jour, John s'est mis un siège de toilette autour du cou. Il a envoyé la photo à Liverpool pour que Bill Harry la publie dans le Mersey Beat. Horrifié, Brian Epstein a couru la récupérer avant qu'il le fasse. On était quand même dans une sorte de délire, de liberté. On est aussi, ne l'oublions pas, dans cette période un peu de rattrapage après les années si terribles de la guerre. C'est pas un hasard si tout ça naît entre Liverpool et Hambourg. Hein. On est dans les endroits les pires et dans une période terrible. De même que la Première Guerre mondiale avait donné naissance à cette extraordinaire époque des années folles et à tous ces caveaux de jazz, etc. De même, et au Charleston et tout ce qu'on veut, de même, la Deuxième Guerre mondiale va voir naître, à travers le phénomène rock et à travers tous les petits enfants du rock, si je puis dire, cette espèce d'éclate, si vous me passez l'expression, dans le cadre d'une émission sur les Beatles. Alors, c'est en octobre 1962 que les Beatles ont enregistré Love Me Do. C'est leur tout premier single en anglais, Claude Lemel. Ça, c'est très important. C'est le premier single, oui, et c'est une musique qui est encore assez rudimentaire. Mais il y a déjà, cette idée de faire, par exemple, deux voix à la tierce. Bon, ce qui n'existe pas beaucoup dans le rock'n'roll à l'époque, mais qui vient des États-Unis, par exemple, avec les Everly Brothers qui faisaient déjà ça. Donc il y a quand même déjà ce goût chez eux de faire un petit peu différent et de faire plus joli. Alors au départ, ils sont déjà quatre, mais c'est pas tout à fait les quatre mêmes. Hein. Ringo n'est pas arrivé. Ils vont se constituer peu à peu. Il y a véritablement 50 ans, on peut le dire. Bah oui, tournant 60, un tout petit peu plus. Un peu plus, hein, oui, ouais. C'est en 60 quoi en fait. En 60 où effectivement, Ringo va les rejoindre pour former les Fab Four, les quatre définitifs Beatles. Alors ce premier 45 tours Love Me Do, il est produit par Brian Epstein. Est-ce que c'est un succès? C'est pas un numéro 1 en tout cas, ils vont rentrer dans les charts, mais je crois que ce single-là ne... Qu'est-ce qu'on appelle les charts? Parce que nous avons un public... Le hit parade, des ventes, le hit parade des ventes donc en Angleterre, et c'est seulement le deuxième single qui va réussir à être... C'est quoi le premier tube des Beatles si on devait se poser la question? Bah, je pense que Love Me Do est quand même un petit tube, même si c'est pas un numéro 1, mais c'est une chanson qu'on a beaucoup entendue. Puis ensuite, bien sûr, il y a She Loves You qui va vraiment casser la baraque et qui, d'ailleurs, qu'ils reprendront plus tard dans All You Need Is Love. All You Need Is Love. Il y a chez ces Beatles un mélange de culture britannique, on l'a bien compris, d'inspiration américaine totale et en même temps d'une certaine culture allemande. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que, à travers les Beatles, c'est aussi cette Allemagne muselée qui a pu s'exprimer d'une certaine façon? J'ai dit à quel point Hambourg les avait transformés. Entre les quatre gamins qui partent pour Hambourg à l'été 60 et ceux qui en reviennent un an plus tard, il n'y a quasiment plus rien à voir. Oui, c'est vrai. Je pense que leur séjour à Hambourg les a beaucoup marqués. D'ailleurs, moi, j'ai un ami musicien qui avait participé à ces mêmes galères, parce qu'il faut bien appeler ça des des galères et qui les a bien connus à l'époque et qui disait toujours, ouais, il pensait qu'à se saouler la gueule et à prendre des petites pilules de toutes les couleurs. Bon. Je me suis renseigné auprès d'un grand spécialiste des Beatles, celui Julien, il m'a dit, bah oui, c'était des amphétamines parce qu'il jouait 7 ou 8 heures par jour et sinon il n'aurait pas tenu le coup. Alors je pense que c'est ça qui les a surtout changés. Bon, c'est vrai que lorsqu'on se trouve confronté, bon, à ce genre de galères, encore une fois, à ce genre de public, à ce genre d'obligation, forcément ça change. C'est-à-dire que moi je dis toujours à mes amis que j'écrivais pas les mêmes chansons au retour de mon service militaire qu'avant d'y aller. C'est-à-dire qu'évidemment la transformation du compositeur se lit comme un livre ouvert dans la musique qu'il produit. Hein. Tout à fait. Et alors chez eux c'est absolument spectaculaire. Ouais. On n'aurait jamais autant progressé en restant chez nous, dira beaucoup plus tard John Lennon. Nous sommes nés à Liverpool. Mais nous avons grandi à Hambourg. Et on lit par ailleurs dans les mémoires de leur manager, les Beatles ont changé en arrivant à Hambourg, mais que s'est-il passé au juste? Ils ont vieilli. Quand on a 17 ou 18 ans, chaque année dure très longtemps. Ils sont venus avec leur guitare et ont dû travailler toutes les nuits. Les Beatles jouaient 8 heures chaque soir, 7 jours sur 7. Quand on a du talent, il faut encore s'améliorer, sinon mieux vaut mettre un terme à sa carrière musicale. Les Beatles étaient bons et ils se sont retrouvés dans le quartier chaud, où ils pouvaient avoir de la drogue, des filles, tout ce qu'ils voulaient en un mot. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont saisi leur chance et sont devenus des stars mondiales. Et Alan Williams, qui les avait emmenés, conclut, ce n'est pas Liverpool qui a fait les Beatles, c'est bien Hambourg. Les Beatles avaient un petit niveau avant d'y aller. Ils n'avaient donné que quelques concerts à Liverpool et manquaient d'unité. C'est là-bas qu'ils ont appris leur métier. J'avais suffisamment confiance en eux pour savoir qu'ils étaient assez bons pour y aller et l'histoire a prouvé que j'avais raison. Le nombre incroyable d'heures passées là-bas pouvaient faire ou défaire un groupe. Eh bien, en l'occurrence, il n'a pas défait les Beatles. Il les a fait. Comment ? Ça a été une école, en quelque sorte, hein, pour eux. Une école à la dure, un peu. C'est une épreuve qui a été une école, absolument. Et ça les a à la fois soudés et ça leur a permis de progresser énormément sur le plan à la fois, bien sûr, de leur musique, mais aussi du contact avec le public, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut dire que ça les a fait progresser pour ce qui est des paroles, peut-être un peu moins? Je vous sens dubitatif, là. Pas à cette époque-là. Non. Là, au niveau des textes, c'est encore très rudimentaire. Oui, c'est vraiment des textes tout simples, en fait. On est même surpris. Oui, mais c'est peut-être ce qui simple, a fait aussi le succès, peut-être aussi. Non, charmant, mais très simple. Mais ça va s'améliorer vraiment beaucoup à partir de Hardest Night, Help et à la fin, les derniers albums, les textes sont pour la plupart très forts. Alors, les tout premiers albums, il a fallu les aider, bien entendu. On sait ce que c'est que l'industrie du disque, surtout à cette époque. Hein, c'est une industrie naissante. On dit que les producteurs ont un peu aidé, qu'ils sont passés eux-mêmes chez les marchands pour acheter des disques. Ça se dit pour Love Me Do, pour le ouais. Premier 45 tours, effectivement. Il paraîtrait que Brian Epstein et a fait quelques ventes forcenées pour leur permettre simplement de rentrer au fameux hit parade, dans les fameux charts. C'est une œuvre commune, les chansons des Beatles à cette époque, ils travaillent ensemble ou est-ce que les uns interprètent les chansons des autres? Je pense qu'à l'époque, ils travaillent ensemble. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Lennon et McCartney décident de tout signer ensemble. C'est vraiment un accord entre eux, un accord extraordinaire qui n'a pas tellement d'équivalent. Parce qu'après, bon, tout le monde sait bien qu'il va y avoir les chansons de Lennon sont extrêmement identifiables, très reconnaissables. Les chansons de McCartney, oui, chacun portent totalement sa tonalité, sa griffe. Oui, oui. Mais ça sera toujours, toujours signé Lennon, McCartney. Et je trouve ça vraiment formidable. Alors, assez vite, quand je dis assez vite, on a vu que dès les premiers concerts dans les clubs de Hambourg, ça commence déjà. Puis alors, à partir de décembre 61, ça explose. Il va y avoir ce qu'on appelle la Beatlemania. Ça, c'est un phénomène. C'est-à-dire, on avait, ce qu'on peut dire, bon, il y avait Elvis Presley, évidemment, qui était une sorte de dieu vivant. Mais on avait rarement vu ça, quand même. Des foules entières, notamment de jeunes filles hystériques qui se jettent sur les chanteurs. Ah oui, moi j'avais 17 ans à l'époque, je dois dire que ça me fascinait totalement d'entendre ces cris, de voir ces regards, enfin la télé montrait ça déjà. Bon, alors ça a été comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. La meilleure parce qu'effectivement, bon, être l'objet d'une telle idolâtrie, c'est-à-dire une immense affection de la part de son public, bon, c'est toujours formidablement porteur, mais en même temps, c'est ce qui va déterminer un petit peu plus tard l'arrêt de la scène, parce que, bon, ils diront tous, on ne s'entend n'entendait même plus jouer. Bon, Ringo Starr, qui est à la batterie, n'entend pas les autres. Comment voulez-vous qu'ils puissent jouer ensemble? C'est absolument impossible. Il va y avoir 50 ans, là, au mois de juin, les Beatles débarquent à Paris. Donc, on est en 1964. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'un reporter d'Europe 1, enfin, on disait à l'époque Europe numéro 1, était sur place à leur arrivée à l'aéroport d'Orly. Petit remue-ménage à Orly pour l'arrivée de quatre garçons dans le vent, Ringo, George, John et Paul, les Beatles. Un peu à l'écart, deux Rolls-Royce attendent, une Rolls-Royce noire et une Rolls-Royce gris métallisé. Ces vedettes sont anglaises et elles voyagent comme des lords. Et maintenant, je suis dans la Rolls-Royce. Et avec moi, avec trois des garçons, on leur jette des portraits le représentant. La Rolls-Royce est littéralement prise d'assaut. On tape sur la carrosserie. Salut. Des jeunes filles courent maintenant à côté de la voiture, ce qui risque d'être dangereux. Je vais essayer de vous présenter trois des quatre Beatles qui sont à côté de moi. You are... Salut, Paul. Paul. À ma gauche, Paul. À ma droite. John, salut. John. Et en face de moi... George, salut. Alors ça, c'était donc l'arrivée des Beatles à Orly au micro de Jacques Ourevitch d'Europe numéro 1. Alors c'était en juin 1965, donc ça c'était pour leur deuxième tournée en France, parce que l'Olympia c'était 64, évidemment, Claude Lemel. Hein. Il me semble, oui, bon, oui. Mais oui. Je n'ai pas forcément les dates très précises en tête. Et alors voilà ce qu'il disait au micro de François Jouvat deux jours plus tard. Donc là, cette fois, on les interroge sur leur concert parisien, voilà. Ce que ça donne, c'était donc le 20 juin 1965. En France, vous ne déplacez pas tellement les grandes foules. Non, c'est vrai, en Angleterre et en Amérique, c'est pire. Une fois en France, il n'y a pas de femmes dans l'audience. Dans l'audience, il n'y a que des hommes, que des garçons. On dit que les Beatles n'aiment pas Ringo. Même ceux qui n'aiment pas les Beatles aiment Ringo. Comment vous trouvez-vous, Ringo? Moi, je suis laid, mais gentil. Les autres Beatles sont beaux, mais méchants. Vous avez été décoré par la reine et de nombreuses personnalités ont été vexées et ont renvoyé leurs médailles. Si tout le monde renvoie leurs décorations, nous serons les seuls médaillés, nous serons très fiers. Vous porterez votre médaille sur scène? Nous ne la porterons que lorsque nous dînerons avec la reine. On est au deuxième, pour pas dire au troisième degré. Alors, les Beatles connaissent, on l'a compris, dans un premier temps, un succès relativement mitigé de ce côté-ci de la Manche. En revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, on va leur faire un accueil triomphal. Nous y venons dans un instant. Let it be, c'était les Beatles sur Europe 1 qui sont au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, cet après-midi. Et votre invité, Claude Lemel, auteur de nombreuses chansons, président d'honneur de la SACEM, auteur de l'art d'écrire une chanson aux éditions Erol. Alors Claude Lemel, là avec Let It Be, on va revenir ensuite en arrière bien entendu à cette tournée américaine dont je parlais, mais là avec Let It Be on est vers la fin déjà, hein. C'est un peu la queue de la comète déjà. Ah c'est le dernier album, ouais, voilà, alors c'est le dernier sorti, mais ça n'est pas le dernier enregistré. En réalité ça a été interverti à Abbey Road, enregistré et sorti tout de suite. Tout de suite, et c'est Let It Be donc qui a été le dernier album. J'avoue une préférence pour Abbey Road. Et vous, à cette époque-là, vous travailliez avec Mélina Mercouri, me racontiez-vous ? Ah, je travaillais déjà avec Joe Dassin, avec Mélina, effectivement. Et bon, c'était mes débuts, oui, tout à fait. Et Joe et moi, on adorait les Beatles. C'est ça, et vous avez rencontré un journaliste qui j'avais rencontré avec Mélina Mercouri, donc fin 70, un journaliste ami des Beatles. Non seulement il les connaissait, mais c'était un ami. Et je lui ai demandé pourquoi se sont-ils séparés. Il m'avait répondu très clairement, une formule très lapidaire, « Women and Money ». Voilà. Alors, c'est toujours fascinant, bien entendu, après coup, parce qu'au moment, quand on vit la carrière des artistes, quand on est dedans, tout ça a l'air naturel, d'une certaine façon, mais après coup, d'imaginer que des titres comme ça deviennent d'aussi grands succès. Là, on peut parler de succès planétaire. Hein. On a entendu Yesterday aussi tout à l'heure, c'est incroyable. Ah, c'est mondial. Bon, Yesterday, c'est extraordinaire, parce qu'il se réveille avec la mélodie. Il se réveille avec cette mélodie. Il est tellement surpris. McCartney, en l'occurrence. McCartney, oui. Et il est tellement surpris que par la la qualité évidente de cette mélodie, qui va croire pendant quelques jours que c'est pas de lui, que c'est une réminiscence, qu'il l'a pompée à quelqu'un. Il va interroger un certain nombre de ses amis et tout le monde lui dit non, c'est une mélodie originale. Et ça s'appelle au départ Scramble X. Heureusement qu'il a changé le titre. Oui, cela dit, ça aurait peut-être eu le même succès avec Scramble X, hein, c'est possible. Et peut-être même que ça aurait donné aux œufs brouillés une nouvelle mode. Parce que ce qu'il ne faut peut-être pas oublier, c'est qu'à l'époque, les Beatles sont faiseurs de mode. Ils auront été ceux qui ont incarné ce début des années 60, même on va dire les années 60, à la quintessence. Oui, alors avec les Rolling Stones. Avec les Stones, bien sûr. Évidemment. Mais ce qui est fascinant tout de même chez eux, c'est cette volonté de travail, cette longue patience. Bon, il y a deux périodes. Au fond, la période où ils tournent, ça c'est jusqu'au 29 août 1966, le dernier concert où là vraiment ils s'entendent plus du tout, jouer. Et ils décident d'arrêter. Et puis à partir de ce moment-là, il y a la période studio. Et ils vont passer des heures et des heures et des journées en studio. Et c'est un travail extrêmement méticuleux de recherche. On va venir à ce travail en studio. Finissons-en avec les tournées, justement, peut-être. Ouais. Notamment la fameuse tournée américaine. On peut imaginer qu'au pays de naissance du rock'n'roll, au pays du King, qui a été leur idole, on les attend un peu au tournant, bien entendu, quand ils arrivent. Ah, on les attend au tournant, mais c'est un très très très gros succès. Et ce qui fascine chez eux aussi beaucoup, bon, le public, les journalistes, c'est leur humour. Les conférences de presse sont formidables. Bon. On demande à Ringo Starr, are you a mod or a rocker? Parce qu'il y avait les mods et les rockers, c'était les deux clans un peu rivaux à l'époque. Il répond, I'm a moqueur. Ils ont, on peut dire, un sens aigu des médias. Je pense que c'est peut-être en cela qu'ils sont le plus modernes, finalement. Leur musique est neuve, leur look, leur façon. Mais la façon qu'ils ont de jouer avec les journalistes, avec les photographes, ils sont constamment sur un mode humoristique. C'est très britannique, ça. So British, finalement. C'est so British et so brilliant. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il fallait avoir le répondant extraordinaire. Il ne faut peut-être pas oublier non plus qu'ils ont eu cette formation dont je parlais tout à l'heure et cette vie difficile. On ne pourrait pas dire que ce sont des gamins de la rue, ce serait excessif de dire ça, mais en tout cas, ce sont des gens qui se sont tôt colletés à l'existence, dans ce qu'elle peut avoir d'âpre. Et donc, ils ne sont pas du tout des oies blanches, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est absolument clair. Et mon ami Tony Harvey, donc, qui les avait connus à Hambourg, me le confirmait bien. Mais bon, ce sont des gens aussi extrêmement intelligents. Bon, c'est clair, à partir du moment où il y a cet esprit de répartie, à chaque conférence de presse, ils pourraient être tout de même un peu tétanisés. C'est impressionnant d'avoir autant de monde autour de soi et de susciter un tel engouement. Non, il y a toujours une très grande décontraction et une répartie du tac au tac formidable. Autre modernité phénoménale, c'est ce que vous nous disiez, c'est ce travail en studio pour l'enregistrement. Ils ont compris, à la même époque que Karajan le comprenait pour la musique classique, d'ailleurs, ils ont compris que tout allait désormais se passer par le disque et que c'est là que se fait le... C'est un vrai laboratoire, c'est un vrai travail. Ça, c'est passionnant. On peut parler, bien sûr, d'un album comme Sgt. Pepper's, par exemple. Le mot laboratoire est un mot bien choisi parce que c'est vrai que ce sont des gens qui ne se contentent pas de s'endormir justement sur leur laurier. Ils pourraient faire de très belles chansons, etc. Mais non, ils sont toujours à la recherche du petit quelque chose de plus, de l'innovation. Et bon, ils sont très à l'écoute de ce qui se fait chez les autres aussi, hein, quand même, faut le dire. Tout grand créateur doit l'être, incontestablement. Et il y a des trouvailles tout à fait étonnantes, comme la fameuse chanson de Sgt. Pepper, A Day in the Life, qui est une chanson de Lennon, à l'intérieur de laquelle ils incorporent une chanson de Paul McCartney qui n'a strictement, mais alors rien à voir, et le tout marche formidablement bien. Entre parenthèses, le nombre, alors il y a 200 chansons environ, je pense, hein, mais dont 30 sont devenues des standards internationaux. Il n'y a pas un si grand nombre de chansons que ça chez les Beatles, hein, par rapport à d'autres groupes dont on pourrait citer infiniment plus de titres. Mais la carrière est très courte. Elle est courte, ouais, c'est ça. C'est 8 ans. De 62 à 70, et encore, bon, je compte 70, alors qu'ils se séparent en janvier 70, en réalité, 62-69. Mais la densité de l'œuvre, même s'il n'y a pas un nombre extraordinaire, la densité est extraordinaire. Vous parliez de l'album Abbey Road tout à l'heure, qui donc est le tout dernier, mais l'avant-dernier paru. L'avant-dernier paru, mais le dernier enregistré, oui. Voilà, c'est ça. Ça, c'est, pour vous, c'est le chef-d'œuvre? Il y a deux chefs-d'œuvre pour moi, c'est Sgt. Pepper et Abbey Road, mais c'est vrai que sur cet album, il y a encore, par exemple, un travail de recherche formidable sur la face B, où ce sont des bouts de chansons, mais qui fonctionnent merveilleusement bien les uns par rapport aux autres. Et puis, à la fin, ce tout petit pied de nez très impertinent de McCartney seul à la guitare, Her Majesty, Her Majesty is a pretty nice girl. Yes, today, someday I'm gonna make a mine. Ouais. Bon, faut le faire quand même. Mais il y a toujours eu, entre les institutions britanniques et les trublions qu'étaient les Beatles, une sorte de complicité en même temps. Hein. C'est assez intéressant, ça. Bah, c'est-à-dire que je pense que les institutions sont bien obligées de reconnaître ce qu'apporte au Royaume-Uni ce groupe extraordinaire. Alors, ça amène à la dimension un peu grinçante de l'affaire. Et on présente aujourd'hui les Beatles comme... Ça, c'est le cas de toutes les plus grandes stars. On a eu la même chose avec Charlie Chaplin au cinéma, par exemple. Hein. C'est-à-dire que après coup, c'est l'adulation universelle, c'est l'admiration de l'humanité tout entière. Sauf qu'au moment où ça se passe, il y a énormément de critiques. Il ne faudrait pas croire que les Beatles ont été si bien accueillis. D'abord en France, hein, il faut le dire aussi. Il y avait quand même quelques journalistes qui étaient particulièrement critiques contre les On Beatles. On ne peut pas avoir une telle carrière aussi phénoménale sans susciter des critiques. C'est impossible. Bon, alors c'est qu'on est totalement lisse. Ce n'était vraiment pas leur cas. Il y a eu beaucoup de polémiques, et en particulier, bien sûr, la fameuse polémique déclenchée par la phrase de... Alors, il y a Lucy, oui, mais Lennon a toujours dit, non, c'est mon Lucy fils qui est rentré de l'école. Lucy in the sky with diamonds. Ouais, ce qui fait LSD, hein, quand même. Oui, c'est l'interprétation que beaucoup de gens en ont faite. En réalité, Lennon, je vous dis, il a toujours dit, non, c'est mon fils qui est rentré de l'école un jour avec un dessin. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, il m'a répondu, papa, c'est Lucy in the sky with diamonds. Bon, ouais, qui saura jamais la vérité. C'est pratique, ça, de dire ça, finalement. Ouais. Il avait le dos large, cet enfant. Et il y avait aussi la fameuse polémique déclenchée par la phrase de Lennon, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Et ça a déclenché un raz-de-marée, mais terrible. Il va avoir un côté christique, d'ailleurs, John Lennon, on peut le dire. Alors, il y a aussi, mais on ne va pas parler de ça, là, mais il y a toute l'affaire avec Yoko Ono, il y a toute la... il ne faut pas oublier l'attentat, bien entendu, hein, qui va jouer un rôle essentiel dans la mythification du groupe. Absolument, mais ce n'est pas des gens lisses du tout, c'est des vrais créateurs, avec tout ce que ça peut comporter, à la fois de formidable, mais aussi d'iconoclaste et quelquefois pouvant susciter des réactions très violentes. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ultime collaboration entre Lennon et McCartney, A Day in the Life? Ben, A Day in the Life, oui, c'est ça, c'est cette fameuse chanson qui est à la fin de Sgt. Pepper, où il y a une très belle œuvre de John Lennon, mais à l'intérieur de laquelle on a incorporé carrément, bon, c'est comme une greffe, comme un greffon, un bout de chanson de McCartney très sautillante, bon, et qui n'a strictement rien à voir avec le propos de la chanson de Lennon. Alors tout ça est relié évidemment par des morceaux musicaux dont ils ont l'idée, mais que George Martin, parce qu'il faut jamais oublier de parler de George Martin, qui est le cinquième Beatle, bon, réalise. Pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre, et c'est là encore, bon, on suit Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Merci infiniment, Claude Lemel, d'être venu nous parler des chansons des autres, et en l'occurrence des quatre autres que sont les Beatles. Je rappelle le titre notamment de votre ouvrage aux éditions Erol, L'art d'écrire une chanson. Ça, c'est pour tous ceux qui voudraient s'y mettre. J'espère que les Beatles continueront à faire des petits. Il y a beaucoup de livres sur les Beatles, on ne peut pas tous les citer, notamment Les Beatles pour les nuls de Pierre Mikhaïlov et Jean-Éric Perrin, sous la direction de Gilles Verlan. Ça, c'était publié là, l'année dernière. Les Beatles à Hambourg, c'est important parce qu'on s'est inspiré, quand je dis on, c'est en l'occurrence Marion Sauveur qui a fait le récit d'aujourd'hui, s'est inspiré de cette affaire. Les Beatles, 50 ans de légende, également aux éditions Bréal, c'était paru en septembre 2012. Merci beaucoup à toute mon équipe, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui j'étais sur un sujet un peu moins familier que d'habitude. Donc merci à Marion, je l'ai dit, merci à Lorena, à Mathilde et à Nicolas. On peut dire qu'on arrive à parler aussi d'histoire du rock dans cette émission. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question posée par Louis sur le site internet d'Europe 1. D'où vient l'expression « c'est ballot » Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Louis, qui nous l'a envoyé sur le site internet d'Europe 1 et qui aimerait savoir d'où vient le mot ballot que l'on retrouve dans l'expression c'est ballot. Oui, ça c'est intéressant, c'est un glissement de sens. Vous savez, autrefois un ballot ou une balle, tout simplement, c'était un paquet de marchandises enveloppées qu'on maintient avec des cordes, si vous voulez, pour être transportées, tout simplement. C'est, autrement dit, c'est la chose la plus inerte, si je puis dire, la plus bête qui soit. Eh bien, évidemment, au 19e et au début du 20e siècle, le ballot va se mettre à désigner une personne inerte, sotte, maladroite, qui se laisse entraîner comme un simple ballot de marchandises. Donc c'est la personne qui est ballot. Et puis, on finit par dire c'est ballot dans le sens de c'est bête, c'est dommage, ce qui veut dire, ce qui traduit une certaine impuissance face à la situation. Vous voyez que peu à peu, le terme a complètement changé de sens et bientôt, je pense que dans 10, 20 ou 30 ans, ça deviendra synonyme de dommage. C'est quand même assez étonnant. Bonjour Roland. Et bonjour Franck. Connaît-on vraiment ses enfants? C'est la question des experts européens cet après-midi. Un enfant peut être un total inconnu pour ses parents et cela peut être une bonne ou une mauvaise surprise. C'est ce que nous allons voir à partir de 15h. Vous pouvez commencer d'ores et déjà à nous appeler au 39-21 ou à nous écrire sur europe1.fr. A tout de suite. Eh bien merci Roland. Nous nous retrouvons demain, Céline. Avec grand plaisir Franck. À demain.